lu gëna fess ci ëttu yeena kay ëttu yeena kay bi su lay do la xona juuf lan ci andal maître abdoulaye wade ak macky sall digënté ay comparaison ak décryptage seen ëttu yeena kay yi gën ay bëss bu né ad di lëj mbëtt ay style ak ñaari kangamu langue politique ko a sénégal ci walum démocratie ak ci jeune afrique du ñu xam nak ya nga ak sa style ndax démocratie nak ka abdoulaye wade jappé jia né ñu macky sall gisé woné ki né ab bëggutam mom nek fi am cadeau ci dënd afrique bi waye la ko soxal moy rek la ñu wax am efficacité té ma nga ci mom ta la wésu la leen di wuté ñu ñew ci seenu ko ciow jamono ji ñeel ciowal arcelor mittal ak petrotim mudi am ñaari waxu kassaw kassaw bu ñu ko ci yene kay bi di a nouvelle horizon mom mi kene fang daacc xet bu an jukum sama nat nga bi japp ni sax wad ba mu yeki yile dossier ñeel walum kom mom alam ci japp wala la ci yenem nouvelle horizon dafa bëggon rek tay lo xelu ko askanu senegal fi doxalenu ko am Macky Sall ci ciow li sax chroniqueur nouvelle horizon japp ne nak donte ne mom wad xam na ni nak lamu waxa tegewul la fenn waye lamu defa politique la momit nga xam lek sénégalais né nak ñi tay ji atté ci rap doom ci nak ñomit seen loxo dara mo ci sétu ta amudi am pexé la gazette né ñu kon lu jaar yoon la ci am baay ba bëgg kon ñu daadé wacc li di doomam ali tax éditorialiste la gazette japp né nak wad len rek moko yitel ñu wacc kon doom ja té mom abdoulaye wad lamu nekké jëmëno ji moko yobé bopam li yëp tax papa amadou fall a japp né wad nak bam ñaké pouvoir bu batay nak dafa melni ko amé am traumatisme comme ni ko kon am soldat mu rër né menteng ci xare ba wad nouvelle horizon am momit ak gis ne nak jamono ji nak fam duggal tankam nak mom xamuka ndax pexé bam ci jël di yek ay tuuma diko tek ci ndodal ñi faré tay ji ci nguur gi am stratégie sama nak gis ne nak adiko ci indil tara muy kon lu bizarre sénégal ñaari at ak genn wala dox suñu du gak élection yiñ deugmal am mu melni nak buñu sukundi ko ci la gazette bo démé ci langue politique bi ci parti yépp kon ay ciow rek tax ñene ka bi nak di ci njoxti ay wër la bëss ko ta ci déssé ci biir 2015 bi dal a parti wala coalition yu bari nak ay jafé jafé dana len dik la ci afrique jeune afrique xeye cameroun delsi nak ci bop ko rewma bo demé saxa ba ci kujé ba ay mag rek ñolan cey jité ci mim rew kon jeune afrique ñu ay ndawangi ñom sen at ñu bari ci ñom wessu wala ñaar fukiat bu way ñom bañ juddo ba légui kenn lañ xam di paul biya mudi kon am cocktail la sama natake bi ñoxti nak day yag rek way ak sen ko ay ñakam xey ñom ndaw yoyu am bëss a dana ñu a faaw nak lepp da explosé.